Quand Paul eut installé les matous dans la toute petite chambre qu'ils allaient habiter ensemble désormais, il ne s'attarda pas à écouter les exclamations de sa mère qui trouvait charmant d'être réunie à son cher Pamphile plus étroitement que d'habitude, ni les récriminations de son père que cette perspective d'intimité ennuyait fort. Après avoir expliqué que cette chambre microscopique devait être considérée comme une heureuse et rare trouvaille, il s'en vint rejoindre Sylvie qui, seule avec son père, était restée à l'hôtel pour recevoir ses futurs beaux-parents. Peu soucieuse d'assister à l'arrivée de l'omnibus, d'où descendrait Madame Matou dans une toilette de voyage qu'elle imaginait terrible et les malapoils qu'elle revoyait les yeux fermés, la belle Joséphine était partie de bonne heure pour l'exposition, annonçant qu'elle serait prise toute la journée et rentrera seulement pour changer de robe avant le dîner. « À quelle heure dîne-t-on ?» avait demandé à Paul M. Matou qui s'apprêtait à dîner à l'hôtel. L'assurance qu'on ne dînait pas ici, mais à l'exposition dans un cabaret quelconque, ne convainquit pas facilement Madame Matou de la mayonnaise. L'idée de sortir pour manger, et surtout un jour de voyage, affolait la pauvre femme pour qui le trajet de Pont-sur-Orne à Paris semblait exorbitant et hérissé de fatigue et de danger. Elle rêvait d'un dîner à table d'hôte, une de ces belles tables des hôtels de province où le patron assis au bout découpe les viandes tandis que le regarde, silencieux et recueilli, les pensionnaires, percepteurs, conseillers de préfecture, professeurs, enfin les quelques fonctionnaires garçons qui prennent pension à l'hôtel. Déjà, elle avait enfilé une robe bleue, d'un bleu terrible, qu'elle avait eue pour faire en 1870 ses visites de noces et qui, étendue depuis des années dans une des vieilles malles, avait pris en même temps qu'une légère odeur de moisissure un éclat tout nouveau. Lorsqu'enfin elle se résigna à sortir et annonça l'intention conciliante de jeter sur ses épaules une pointe de dentelle qui, elle aussi, sommeillait dans les placards de la mayonnaise depuis fort longtemps, Paul la supplia de mettre quelque chose de plus tranquille, de plus effacé. Il expliqua, en évitant autant que possible de froisser l'excellente femme, qu'il fallait à Paris éviter autant que l'on pouvait de se singulariser. Déjà dans le couloir des chambres, Madame Matou avait fait une rencontre qui rendait plus appréciables les recommandations de son fils. Un petit homme gros et brun, officier de la Légion d'honneur, lui avait pour ainsi dire présenté les armes et l'avait reconduite à sa porte qu'elle ne savait pas retrouver. Certes, le petit homme ne lui avait pas manqué de respect, mais il lui avait semblé disposé à une familiarité surprenante. Monsieur Dumanet, à qui Madame Matou avait conté sa petite aventure, lui avait répondu sans malice « C'est la faute à votre belle robe bleue ». Puis, comme elle le questionnait pour savoir qui était le monsieur, il avait expliqué « D'après ce que vous me dites, ça ne peut être que le colonel de l'Étoile. » Et Madame Matou affirmait avec conviction, « Il est bien charmant. » Le bon monsieur Dumanet ne trouvait pas du tout que le colonel fût bien charmant. Outre que ce petit homme rondouillard et remuant le fatiguait par ses allées venues continuelles, il avait cru remarquer qu'il considérait Madame Dumanet avec un intérêt trop vivement exprimé. Dès que sa femme entrait dans le salon de l'hôtel, soit pour y faire sa correspondance, soit pour s'y reposer un instant entre deux sorties, ou qu'elle y attendit un instant pendant qu'on allait lui chercher un fiacre, on voyait accourir le colonel frétillant et empressé. Certes, M. Dumanet s'apercevait à Pont-sur-Orne que les indigènes, les fonctionnaires, les officiers et tout ce qu'on appelle la population flottante étaient amoureux de sa femme, mais il mettait, croyait-il, une certaine discrétion dans l'expression de leurs sentiments. Le colonel, lui, ignorait totalement la mesure. Vers 7 heures, Madame Dumanet rentra. La vue des matous qui l'attendaient, parés comme des chasses, l'horripila. Elle expliqua à Madame Matou qu'à Paris, le grand chic était d'être très simple, à quoi l'excellente femme répondit sans malice que, n'ayant aucune prévention au grand chic, elle comptait user à Paris des vêtements qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de porter à Pont-sur-Orne, pour cause de trop grande beauté et que ce n'était pas à son âge qu'elle allait faire de la dépense pour se nipper. Horripilée, Madame Dumanet n'insista pas. Elle annonça à la cantonade qu'elle avait retenu une table au restaurant russe. On y entendait une musique merveilleuse et il y avait un monde très chic. C'était tout à fait sélect. Monsieur Dumanet proposa timidement « Il va être temps de nous mettre en route. Je vais dire qu'on aille nous chercher un fiacre. » À ce moment précis, le colonel de l'Étoile passait. Madame Dumanet se récria avec affectation. « Comment, un fiacre? Vous n'allez pas nous empiler 6 dans un fiacre, j'imagine. »« Mais, » balbutia M. Matou, ami d'une sage économie, « mais il me semble qu'en mettant Mademoiselle Sylvie au fond entre vous et en faisant monter Paul sur le siège... » Madame Dumanet se retourna anxieuse, regardant pour savoir si le colonel avait entendu. Mais il n'était plus là. Déjà, il sortait de l'hôtel et s'éloignait d'un pas rapide et encore alerte. On était allé chercher les fiacres. Ils ne vinrent pas tout de suite. Après un assez long temps, le chasseur revint pourtant et annonça « Voilà les fiacres. Mais il faudra s'entendre avec eux. » Les fiacres, en effet, étaient là. Une urbaine avec un jeune cocher à l'air insolent, son chapeau en arrière, une rose aux dents et la jambe croisée remontée sous le menton. L'autre, un de ces vieux fiacres sans nom que l'on désigne sous l'appellation élastique de fiacre de nuit. Vieux cheval et vieux cocher qui semblaient aussi désireux l'un que l'autre de ne plus marcher. Empressé, M. Matou de la Maynaise fit monter les trois femmes dans le vieux fiacre. Puis il grimpa dans l'urbaine, et tandis que Paul et M. Dumanet s'installaient, il dit d'un ton autoritaire et important « À l'exposition, et bon train !» Le cocher fit volter sa rose, qui du coin gauche passa dans le coin droit de sa bouche, et regardant le provincial, il répondit narquois et sans faire un mouvement « C'est 20 francs !»« Hein ?» fit M. Matou ahuri. « Qu'est-ce que vous dites ?»« Je dis que c'est 20 francs, ou ben faut descendre !»« C'est 20 francs !» répéta le vieux cocher comme un écho. M. Dumanet, descendu, demandait des explications au chasseur sur les tarifs et n'entendait guère ce qu'il lui répondait pendant que M. Matou de la Maynaise, confiant en l'autorité, s'élançait vers un gardien de la paix qu'il prenait d'assaut et ramenait près des fiacres. Alors les deux cochers s'écrièrent, l'un se fichant du monde, l'autre convaincu et sincère. « Je vais relayer !» Après de longs pourparlers où l'agent prit une part plutôt conciliante, il fut entendu que la course serait de 5 francs. Le cocher de l'urbaine répondit à l'ordre vague d'aller à l'exposition. « Quelle porte ?»« Quelle porte ? Ah, voilà !» M. Matou de la Maynaise ignorait formellement les portes que M. Dumanet ne connaissait qu'approximativement. Il fallut demander l'ordre et la marche à Mme Dumanet qui expliqua « Porte du Trocadéro ». Les fiacres filèrent. Messieurs Matou et Dumanet, étonnés de voir que le Trocadéro était si près de l'hôtel, se mirent à regretter de toute leur force les 5 francs promis. Et à l'instant du règlement, ils discutèrent, mais ils durent quand même s'exécuter et furent au départ salués selon leur procédé. L'urbaine partit à fond train en appelant Monsieur de la Maynaise effaré, espèce d'andouille, tandis que le vieux cocher s'éloignait au pas en criant « Et va donc, Dreyfus !» à Monsieur Dumanet ébahi. « Voulez-vous, proposa Paul, que je m'occupe des choses pratiques? Vous n'avez pas l'habitude de Paris, et surtout de Paris en temps d'exposition. À chaque instant, vous aurez des histoires pour un oui ou pour un non. » Mais Madame Matou de la Maynaise l'interrompit vivement pour dire avec simplicité « Oh non, parce que toi, tu ne marchanderais pas assez. » Madame Dumanet s'était écartée, vexée de cette gênante sincérité. Elle n'en voulait pas à la future belle-mère de Sylvie d'être économe, mais elle lui en voulait de l'être aussi ostensiblement. D'une avarice sordide elle-même, elle refusait un sou à un pauvre, mais elle ne manquait jamais d'envoyer un louis aux souscriptions du Figaro. Elle faisait, selon la légende de Pont-sur-Orne, crever de faim ses domestiques, mais elle aimait à donner des dîners coûteux et compliqués. À la rapacité normande qu'elle tenait de son père, s'alliait le goût de l'épate de la mère levantine, à laquelle elle ressemblait surtout, avec en moins la graisse et en plus un tempérament plein de laisser-aller. Elle semblait pour l'instant préoccupée de quelque chose ou de quelqu'un. Ses yeux impatients promenaient de tous côtés le regard quêteur. Monsieur Matou, que tourmentait toujours un inconscient besoin de gaffer et qui voulait aussi être aimable, demanda niaisement « Vous attendez quelque chose ?» Surprise de se voir deviner par ce bonhomme qu'elle jugeait clairvoyant comme une taupe, la belle Joséphine se promit de se mieux surveiller. Puis, comme il réitérait sa question, elle répondit, agacée, « Qu'est-ce que vous voulez que j'attende ?»« Je l'ignore, sans quoi je me ferai un devoir et un plaisir de vous l'aller quérir. » Il s'approchait, l'œil brillant, désireux d'amorcer la déclaration qu'il comptait placer le plus tôt possible. Déclaration formelle et pressante, cette fois. C'est que, si souvent M. Matou de la Maynaise avait fait comprendre explicitement à Mme Dumanet qu'il avait pour elle une admiration sans bornes, il n'avait pas osé lui offrir plus qu'il ne pouvait tenir à Pont-sur-Orne. Il connaissait la belle Joséphine, et par de nombreux ouï-dire et par ce que lui-même avait eu l'occasion d'entrevoir, assez pour savoir que s'il formulait une proposition amoureuse, elle serait acceptée, fût-elle inacceptable. Or, M. Matou de la Mayonnaise, si coq de village qu'il fût, et même pour glisser dans sa collection une bonne fortune de plus, ne voulait pas d'un scandale. D'abord, il gardait vis-à-vis d'Élodie, Mme Matou, les apparences correctes que Mme Dumanet ne gardait pas vis-à-vis de M. Dumanet, Ernest. Et quelles que fussent d'ailleurs sa sottise et sa vanité, il n'avait pas le cœur absolument mauvais ni l'âme précisément basse. Certes, il considérait Élodie comme une créature inférieure, mais il rendait pleinement justice à ses qualités indéniables. Et s'il eût bien voulu la tromper discrètement le plus souvent possible, l'idée de lui faire un public affront lui répugnait très fort. Et tout devenait public dès que Mme Dumanet était dans l'affaire. Les aventures ne lui étaient agréables que s'ils étaient affichés. Déjà, par le soin qu'elle avait pris d'en instruire adroitement la chronique scandaleuse, deux de ses aventures avaient fait un tel potin que le censeur du lycée avait été déplacé alors que le conservateur des forêts demandait, pour cause de santé, son changement. À Pont-sur-Orne, tout le monde, sauf Ernest, était au courant des folichonneries, ainsi disait le premier président, de la belle Joséphine. Et M. de la Mayonnaise, tout en regrettant d'être le seul peut-être qui, en situation de profiter de ces folichonneries, n'en avait pas eu sa part, s'était tenu à l'écart du scandale sans prévoir qu'une circonstance imprévue allait le mettre en mesure de réclamer son tour. Tandis qu'il commençait une phrase d'attaque, M. Dumanet, qui s'essoufflait derrière sa femme, demanda « Où dînons-nous, ma bonne ?» Elle répondit du bout des lèvres, sans se retourner « Au russe, au restaurant russe. Je vous ai dit je ne sais combien de fois que j'y retenais une table pour ce soir. » « Alors elle est retenue ?»« Naturellement. » « Est-ce loin, le restaurant russe ?»« Mais nous y sommes, vous voyez bien. » M. Dumanet ne voyait pas bien du tout. À quoi aurait-il vu ? On entrait dans la petite cour qui est à l'intérieur de la section de Russie. Docile néanmoins, il se tourna vers la grosse Madame Matou qui peinait aussi et répéta « Nous y sommes. Il paraît que nous y sommes. » Une voix entrecoupée répondit « Ah, tant mieux. Je suis exténué. Je ne pourrai pas aller plus loin. » La bonne femme s'écroula sur une chaise dans la petite cour du restaurant, tandis que Madame Dumanet, étendant le bras vers la salle, expliquait « C'est la table ici, tout près, la première à l'entrée. » Sylvie regarda et dit « Pas la première. »« Si, la première. » « Mais non, elle est prise. »« Prise ? » ?»« Comment, tu ne vois pas, il y a un monsieur ?» Effectivement, un monsieur était assis à la table, tournant le dos à l'entrée. Par la baie, on apercevait ce dos un peu rond sur lequel l'habit semblait se tendre avec effort. Au-dessus du col très haut, un pli se formait de chair rose piquée de rares cheveux. Mais déjà, Madame Dumanet parlementait avec le garçon au sujet de la table occupée. Elle affirmait l'avoir retenu à 4 heures et le garçon jurait ses grands dieux que ce monsieur était venu de très bonne heure, bien avant madame. « Allons ailleurs, » proposa M. Dumanet conciliant, mais sa femme se récria. « Voyez bien que c'est bondé. » « Je vois, ma bonne, je vois, c'est pour ça que j'offre d'aller autre part. »« Mais non, je vais parler à ce monsieur. »« Prends garde, c'est peut-être un anglais. »« Eh bien ?»« Eh bien, tu te feras dire des sottises. » La belle Joséphine haussa les épaules pour indiquer qu'elle aurait raison même d'un anglais et s'approcha de la table d'un air résolu. Mais au même instant, elle poussa un cri de surprise pas très bien joué, auquel répondit un cri de surprise réel, celle-là, de l'excellente Matou. Puis Madame Dumanet s'écria « À vous, colonel, vous, ah par exemple, comment c'est vous qui avez pris ma table ?»« Votre ?»« Parfaitement, ma table, notre table plutôt, car nous sommes 6, vous voyez. » Le colonel s'est élevé, il répondit très courtois en faisant un profond salut. « Je ne me doutais pas que la table retenue par moi fût la vôtre. Je vous demande pardon de vous avoir causé un ennui que je vais d'ailleurs faire cesser bien vite. J'avais choisi cette table pour dîner ce soir avec la duchesse de Carrare, son fils et sa fille la comtesse d'Eider. je viens de recevoir à l'instant une dépêche m'annonçant que la duchesse est souffrante et que ses enfants ne veulent pas la quitter. Voulez-vous me permettre de vous céder cette table, qui est vraiment mienne, je crois, car je suis venu la choisir à l'heure où tout était libre encore. » D'un geste large, il indiqua la table et prit son chapeau posé près de lui et sa canne, une belle canne à pavé de turquoise qui fit loucher M. Matou. Il avait vu dans sa jeunesse une canne comme celle-là au duc de Morny. C'était le dernier cri de l'élégance. Cette canne, en même temps qu'elle l'éblouissait, lui donnait une haute idée de son propriétaire. Il se sentit bien disposé pour cet homme gradé, chevaleresque et bien vêtu. Et comme Madame Dumanet disait à cet instant d'une voix qu'elle s'efforçait d'adoucir, « Merci, colonel, mais vous ?» Il appuya, gracieux, « Mais vous, colonel ?» Le colonel eut un mouvement à la fois négatif et découragé qui semblait dire « Oh, moi, que je sois ici ou là, peu importe. » Il se tourna vers la salle où, serrés les uns contre les autres, laissant tout juste le passage nécessaire au service, un monde disparate et bruyant dînait au son de la musique militaire russe qu'après chaque morceau on acclamait. Paul riait en regardant le colonel, mais son père n'y prit pas garde. Il sortit son plus grand air et dit avec ampleur « Nous ne souffrirons pas !» Le colonel, qui avait semblé s'élancer dans l'inconnu, ne lui laissa pas achever sa phrase. Il revint vivement sur ses pas, tandis que Madame Dumanet ajoutait, suppliante et presque câline, « Colonel, permettez-nous de... » Rien n'était formulé nettement, mais l'homme de guerre comprit à demi-mot et répondit avec une morgue qui, si l'on n'y regardait pas de trop près, ne manquait pas d'une sorte d'allure. « Je dînerai volontiers à votre table si vous m'en priez, et si cela ne vous gêne pas. Dans ce cas, permettez que je me présente. Le colonel Comte de l'Étoile. » Alors M. Matou s'avança et dit, un peu gêné de ne pas avoir lui aussi un titre à énoncer, et supprimant Matou en manière de compensation, « Monsieur de la Mayonnaise, ma femme, mon fils Paul de la... » Mais Paul, qui savait qu'en dépit de leur nom un peu ridicule, les Matou de la Mayonnaise étaient de vieille souche et n'avaient pas à rougir d'être Matou plus que les Montmorency d'être Bouchard, ne résista pas au désir d'embêter papa. Il coupa court et dit, achevant de se présenter lui-même, « Paul Matou ». Puis il tourna le dos en sifflotant, sans paraître apercevoir les regards terrifiés et furibonds de ses parents présents et futurs, et même de la douce et insignifiante Sylvie. À son tour, Madame Dumanet dit, indiquant du menton M. Dumanet qui faisait un nez passif et résigné, « Mon mari ». Paul continua à siffloter. Son père, qui savait que ce sifflement était chez lui un signe de mécontentement, s'approcha et demanda tout bas, « Qu'est-ce que tu as ?»« J'ai que je trouve vraiment de mauvais goût d'avoir invité ce sale juif. »« Tais-toi donc !» balbutia M. Matou éperdu. « Tais-toi donc, tu es fou, un juif, le colonel !»« Le colonel, tu coupes là-dedans ! Ah, pauvre papa, colonel comme moi, et même moins que moi, puisque je suis lieutenant de réserve !» « Colonel, mais regarde-moi cette tronche et ses oreilles et ce piton. Est-il assez youtre, le piton, voyons ? Il s'appelle le Comte de l'Étoile. C'est un nom, ça. »« Évidemment, mais c'est sûrement pas le sien. »« Venez-vous ?» appela Madame Matou, qui mourait de faim. Madame Dumanet demanda, en manœuvrant pour se trouver à côté du colonel, « Comment nous plaçons-nous ? » Le bon Monsieur Dumanet, qui regardait Paul et Sylvie, dit, « Il ne faut pas séparer les amoureux. »« Certainement non, » répondit le colonel, comte de l'Étoile, en s'asseyant à côté de la belle Joséphine. « Il ne faut pas séparer les amoureux. » La table n'était pas très grande et l'on était plutôt serré. En face, l'une de l'autre, étaient Madame Dumanet et Madame Matou de la Mayonnaise. À droite de Madame Dumanet, M. Matou. À sa gauche, le colonel. À la droite de Madame Matou, M. Dumanet. Et à sa gauche, Sylvie, qui se trouvait auprès de Paul, assis au bout. En se penchant pour parler à la belle Joséphine, qui ne l'écoutait guère, M. Matou apercevait vaguement le voisin auquel elle réservait toute son attention, et il était forcé de reconnaître à part lui que Paul avait raison et que le colonel Comte de l'Étoile avait vraiment une sale tête. Tout à fait délaissé par Madame Dumanet, il promena un regard distrait sur les tables environnantes. Tout près de lui, séparée seulement par le monsieur qui dînait avec elle, Une jolie fille aux cheveux blonds, aux coloris éclatants, riait de toutes ses dents de petit loup et semblait s'amuser tout particulièrement de Madame Matou et de sa belle robe bleu lumière. Comme elle se renversait sur sa chaise en riant aux larmes et en faisant, d'une voix retentissante, les réflexions les plus saugrenues, son compagnon l'invita à se taire, mais elle protesta, affirmant que c'était ce qu'elle avait encore vu de plus roulant à l'exposition et que ça dégotait le trottoir. Alors, comme le monsieur se fâchait, le colonel dit en souriant « Voilà le baron Bitter qui flanque un poil à la môme framboise. » Monsieur Matou de la Mayonnaise demanda, très intéressé « Vous connaissez cette jeune femme ?» Le colonel comte de l'Étoile se mit à rire et dit « Cette jeune femme, comme vous voulez bien l'appeler, est une fille de Montmartre que le baron Bitter, ici présent, cherche à lancer sans succès. Quand je dis sans succès, j'entends qu'elle n'a pas encore sa place marquée au soleil des grandes cocottes de l'espèce, par exemple de Gisèle de Champigny, que vous voyez là-bas en blanc. C'est comme la petite Ondine de Panama. En voilà une qui travaille dur et qui ne réussit pas. » Madame Dumanet demanda, l'air intéressé soudain, « Qu'est-ce que donc que ce monsieur qui accompagne la femme que vous appelez Gisèle de Champigny? Est-ce que vous le connaissez ?» Le colonel comte de l'Étoile regarda le monsieur, un très joli garçon, l'air banné, marquant assez mal et d'une élégance à côté, puis il dit d'un ton dégoûté « Non, je ne connais pas ça du tout. Pourquoi ?» Madame Dumanet expliqua avec conviction « Parce qu'il a un air distingué qui m'a frappé. » Le colonel regarda encore le monsieur et répliqua aigrement « Je ne sais pas si c'est parce qu'il vous trouve l'air distingué, mais vous l'avez frappé aussi, toujours. » La belle Joséphine sourit. Elle savait bien que ce qui frappait en elle n'était pas la distinction, mais un je ne sais quoi de promettant et de troublant qui, malgré les années, agissait toujours ou presque. Sa longue taille avait une élégance réelle. Le regard de ses yeux cernés luisait drôlement. Et ce soir, bien habillée d'une robe de drap gris cendre, elle faisait encore très bon effet. La note provinciale était donnée seulement par des dormeuses qui ne semblaient pas de mise, et un rubis entouré de diamants posé en broche au milieu d'une cravate de dentelle rousse qui détonnait un peu avec le costume tailleur. Tous d'ailleurs, sauf Paul, avaient trop de bijoux et des bijoux habillés et voyants. Monsieur Matou portait en épingle une couronne de comte avec des brillants au lieu de perles qui était d'un goût déplorable. Monsieur Dumanet avait lui aussi une belle épingle, une épingle chic. Madame Matou étalait sur sa vaste poitrine une broche de dimension colossale. Et enfin Sylvie portait sur sa petite robe de toile rose toute simple une de ces affreuses chaînes longues disposées comme des chapelets où la dizaine est le chaînon et le gros grain une perle, bijou banal entre tous et toujours également laid, soit en braie, lorsqu'il supporte le lorgnon de la vieille juive de Marc, soit en toque, quand la débitrice y suspend son crayon, soit au cou de la plus jolie femme du monde, qui ne parvient à lui enlever ni son aspect camelot, ni son extrême vulgarité. Gisèle de Champigny, en voyant entrer Paul, avait tout de suite reconnu le petit garablé et bon enfant rencontré au quartier latin, il y avait bien 10 ans, lorsqu'elle était étudiante, elle aussi, tandis que Paul avait mis plusieurs minutes à retrouver dans cette fille fanée, d'une excessive élégance, la petite femme toute fraîche et mal fichue du temps passé. Une boulette, lancée d'une main sûre, vint tout à coup frapper M. Dumanet derrière l'oreille. Il sauta en l'air, surpris, mais déjà la jolie cocotte, désignée par le colonel sous le nom d'Ondine de Panama, se précipitait vers lui rougissante, sa serviette à la main, dans l'attitude d'une pensionnaire qui vient recevoir une correction. Gentille, avec ses yeux malins qu'abritaient des sourcils touffus et drôles, son teint laiteux et sa bouche en cerise qu'elle avançait en lippe pleureuse, elle murmura, l'air impressionné, « Oh, monsieur, pardon, monsieur, je ne l'ai pas fait exprès, ça m'a échappé en vous regardant, comme ça, sans penser à rien, pardon, monsieur. » Le bon monsieur Dumanet s'est élevé, ému, décontenancé, bouchonnant dans sa main sa serviette et il balbutiait tout ahuri, « Mais c'est moi, madame, qui suis bien confus, que vous ayez pris la peine de vous déranger, de... Oui, je... » Un coup d'œil terrible de sa femme le rassit le nez dans son assiette, puis se tournant vers le colonel, la belle Joséphine s'écria indignée. « On est vraiment ici en trop mauvaise compagnie, ce n'est pas tenable. » Madame Dumanet a, pour ce qu'elle appelle des créatures, un mépris infini mais qui semble insuffisamment expliqué. Est-ce parce qu'elle comprend, pour ne pas l'avoir assez pratiquée, toutes les beautés de la vertu? Est-ce, au contraire, qu'elle n'admet pas la concurrence, loyale pourtant, des irrégulières? Le fait est qu'elle ne supporte pas leur voisinage, même lorsqu'il est paisible et correct. Cette fois, sa colère était justifiée et elle profita de l'occasion qui s'offrait. Se levant bruyamment, elle sortit majestueuse et ridicule, renversant une chaise et accrochant une carafe, tandis que M. Dumanet demandait, de plus en plus ahuri, « Est-ce qu'elle ne va pas revenir ?» Le colonel comte de l'Étoile s'était naturellement précipité sur les pas de madame, comme il disait en parlant de Mme Dumanet. Dissimulant une grimace, le pauvre mari se tourna vers la petite Ondine de Panama qui attendait toujours. Il se dit qu'une petite bonne femme de 20 ans, bien rose et bien blonde comme celle-là, était préférable à toutes les Joséphines de la terre. Mais au lieu d'exprimer sa pensée, il s'arrêta encore malgré lui, paralysé, cherchant les mots qui s'enfuyaient. Ce n'était pourtant pas les Matou qui le gênaient dans ses épanchements. Madame Matou, éreintée de son voyage, dormait de toutes ses forces, tandis que son mari louchait obstinément vers la table où la môme framboise écrabouillait, au son de l'hymne national russe, dans des pots de crème gerbet, des pots de fraises successifs. Amicalement, gentiment, les fiancés causaient sans s'occuper de personne. Pas un instant, Gisèle de Champigny n'avait fixé l'attention de Paul. Pas un instant non plus Sylvie n'avait remarqué l'insistance que mettait à la fixer le joli compagnon de la cocotte, ni l'attention qu'il prêtait depuis le commencement du dîner à la conversation. Paul et Sylvie s'occupaient de leurs petites affaires, du mobilier, des bijoux, des robes, de tout ce qui allait devenir le cadre de leur vie nouvelle. Ils s'aimaient sans passion, mais comme s'aiment des camarades qui s'apprécient suffisamment pour accepter une association définitive. Et quand M. Dumanet, ému et congestionné, refermant hermétiquement sa main sur un petit tourtillon de papier que venait d'y glisser la cocotte, demanda à sa fille pour se donner une contenance « Sais-tu où est ta maman ?» Sylvie s'aperçut seulement de l'absence de sa mère. Elle ne s'en inquiétait pas et ce fut du ton le plus indifférent qu'elle répondit « Je ne sais pas, mais puisqu'elle est avec le colonel. » « C'est vrai, » fit M. Dumanet distrait. « C'est vrai, elle est avec le colonel. » Il ne savait même plus ce qu'il disait. Le petit papier lui électrisait la main. Il regarda ses compagnons. Les enfants avaient repris leur causerie. M. Matou de la mayonnaise, le roi aux aguets, mangeait littéralement la môme framboise de ses yeux en boule de loto, tandis que sa femme, le menton sur la poitrine, commençait à ronfler doucement. Alors M. Dumanet desserra ses doigts crispés, déplia le petit papier ridé comme une vieille pomme et lut ces mots écrits au crayon et qui, quoiqu'à demi effacés, lui semblèrent d'une netteté lumineuse. « Ondine de Panama, 80 rue de Moscou, demain à 2 heures. » La môme framboise, qui ne pouvait pas contenir de fraises ni de crème en plus grande quantité, venait de se lever et s'éloignait suivie de son baron juif. Alors M. Matou se ressaisit. Reprenant son personnage, appela le garçon d'un grand geste pour lui demander l'addition. Et quand elle lui fut apportée et qu'il lui regardait, il eut un mouvement de protestation. « Fichtre, ce n'est pas pour rien !» Comme il restait du vin dans une bouteille, il s'empressa de la vider dans tous les verres afin de ne rien laisser, puis tout à coup... « Cette dîner, comment cette dîner ? Ah oui, tiens, il y a le colonel. Je n'y pensais plus, moi, au colonel. Ben, est-ce qu'il ne va pas payer son dîner, cet Olibrius ?» « Je ne pense pas, » fit Paul en riant. Son père se tourna vers lui, furieux. « Ah ça, crois-tu que c'est moi qui le paierai ? Pas toi tout seul, on le partagera entre tout le monde. »« Entre deux, tu veux dire, puisque c'est Dumanet et moi qui payons. »« C'est bien ainsi que je l'entends. »« Tu trouves ça drôle, toi ?»« Oui, je trouve ça drôle, et bien fait. »« Quel besoin aviez-vous d'inviter ce Youpin à dîner avec nous ?» M. Dumanet demanda, effaré. « Quel Youpin ? » « Qu'est-ce qui parle de Youpin ?»« C'est Paul, » expliqua M. Matou, « qui veut absolument que le colonel soit juif, figurez-vous. »« Mais c'est absurde, c'est ce que je lui dis. » M. Dumanet se recueillit. Sa grosse figure niaise se tendit sous l'effort, puis il murmura consterné, « Un juif, ça manquait. » Certes, le pauvre homme était habitué aux frasques de sa femme, et s'il les croyait superficielles, du moins il les savait nombreuses. Seulement, s'il avait subi sans révolte les professeurs, censeurs, conservateurs des forêts et bien d'autres, l'idée d'un juif l'horripilait. Un juif ? Mais on allait le montrer du doigt cette fois. Jamais, dans ses humeurs les plus noires, il n'avait envisagé cette éventualité sinistre. Puis, au bout d'un instant, il pensa que ce colonel si désinvolte ne pouvait pas être juif. « Allons donc !» Encore une de ces exagérations antisémites de Paul qui voyait des juifs partout. Enfin, un troisième ressaut de volonté l'invita à croire la version de son futur gendre. Cette assurance d'un véritable mauvais procédé de Joséphine autorisait une éclatante vengeance. Et heureux, M. Dumanet se dit « J'irai demain rue de Moscou ». Pendant ce temps, M. Matou, qui avait payé l'addition, demandait confidentiellement à Paul « 10 sous de pourboire au garçon, est-ce trop ?»« C'est pas assez, voyons, papa. Le dîner a coûté plus de 10 francs, n'est-ce pas ?»« Je le crois bien. Il en coûte 60. »« Eh bien, on donne 1 sou par franc, au moins. » Le père de famille protesta de toute son énergie. « 1 sou par franc, ça ferait 3 francs. Tu n'es pas fou ?»« Non, papa, c'est toi qui auras. » En vérité, on croirait que nous sommes millionnaires. » Madame Dumanet rentrait avec le colonel. M. Dumanet le regarda d'un air écœuré, tandis que M. Matou hésitait à lui réclamer le prix de son dîner. La belle Joséphine se rassit et dit « Je viens de voir sortir les créatures, alors je... » Un cri de Sylvie l'interrompit. « Tiens, tu as perdu ton rubis. Bon. » Et Madame Dumanet jeta les yeux sur sa cravate de dentelle, d'où l'épingle avait en effet disparu. Le colonel comte de l'Étoile demanda avec intérêt, tout en prenant un cigare dans la boîte laissée par le garçon, « Vous avez perdu quelque chose ?»« Oui, » fit la belle Joséphine saisie. « Oui. » Il questionna, en allumant son cigare dans le nez de Madame Matou, qui s'éveilla en toussant. « Un bijou ?»« Oui, une broche. Qui a de la valeur ?»« 100 louis environ, » répondit Madame Dumanet, qui mentait volontiers lorsqu'il s'agissait d'épater le voisin, surtout quand le voisin était un flirt. « Qu'est-ce qu'on a perdu ?» demanda Madame Matou, qui s'éveillait dans une véritable quinte. Sylvie expliqua. « C'est maman qui a perdu son rubis. »« Oh, quel malheur ! Mais il ne peut être tombé qu'ici !» fit la brave femme qui ignorait la fugue de Madame Dumanet. « Il faut chercher sous la table !» Et tous se mirent à chercher, même le colonel comte de l'Étoile, qui, en se baissant, eut soin de maintenir avec sa main la poche de son gilet. En se relevant, il déclara « Ça ne doit pas être ici que vous l'avez perdu. » « Non, » dit la belle Joséphine, qui sourit imperceptiblement au colonel. « Non, je suis sûre que ce n'est pas ici. » Et provoquante, elle ajouta, en se levant « Voulez-vous que nous voyions dehors, à la place où nous étions tout à l'heure ?» Il répondit, sans entrain « Si vous voulez. » Et il se leva aussi. Mais cette fois, M. Dumanet dit avec une espèce d'autorité en donnant le signal du départ « Nous allons avec vous. » Certes, il ne soupçonnait pas où était la broche de sa femme, mais il ne voulait pas qu'elle retournât se promener seule avec ce colonel pour rire, qui se faisait payer à dîner et avait l'air de se moquer du monde par-dessus le marché. Puis il montra au garçon, qui ne s'en apercevait pas, qu'on avait repris un cigare et lui désigna le colonel qui sortait. M. Dumanet devenait taquin.